Doncs sí, aquí estem una vegada més amb Olala Music, el vostre programa de música en francès. De fet, amb el nostre anterior espai vam escoltar algunes de les cançons que ens portaven les Enfoirés amb diverses d'algunes peces cantades en directe d'una mica abans, no pas com aquest programa. Per què us dic això? Doncs perquè avui el nostre programa anirà dedicat a ells i a la música que un dels nostres oients ens fa arribar. Dos dels seus compactes editats aquest, Chansons, el 2001, i anirem escoltant peces magnífiques dels artistes que conformen aquest moviment fantàstic, no només musical, sinó també solidari de les terres franceses. Benvinguts a Olala Música, us parla Rafael Corbí. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aimerais les bars où il se brille environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour, avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Perdre la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose de merveilleux étés sur la grève. Et je vois dans les bras l'amour qui comme un fou pour le vent de moi et je me prends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent le port, moi je rêve jusqu'au matin debout sur le port. Sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles allant qui vous ravissent le cœur en pressant m'attend des écoliers de fleurs qui ont dit. Sans l'amour passé, sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Yeah. serre les lacs, les rivières, c'est le décor du choléra. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Moran a plongé nu dans un lac du Connemara. Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi. L'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. Et de Tipperary, Ballyconnery et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Y'avait les canards, les O'Connelly, les Flaherty, de Rigogary, et de quoi boire trois jours et des nuits. Là-bas, au Connemara, tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie c'est une folie, et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des Landes. C'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps de Gaël et de Cromwell, des pluies et du soleil pour pas des chevaux. On y croit encore au monstre des lacs qui voit nager, certains soirs d'été replonger pour l'éternité. Oh, on y voit encore des âmes d'ailleurs venues chercher le repos de l'âme et pour le cœur de le meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois ni celle des rois d'Angleterre. Finalment, cançons interpretades per artistes com Zazie, amb Les Enfors, que ens aportaven aquest Tout le Monde, o Les Chansons des Restos, amb Les Enfors, originalment també interpretada per ells, però amb gent com Zinedine Zidane, Thierry Lhermitte, Tammy Couliet, en Charlotte Gainsbourg, MC Solar, Amy Jaquette o Gagú, que participaven amb aquestes i d'altres cançons que anirem escoltant, repassant, gaudint en el dia d'avui. Te fera changer la course des nuages, balayer tes projets, vieillir bien. voyage. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre. Tu t'entendras hurler que le diable l'emporte. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Ni la nuit ni le jour, elle danse derrière les brouillards. Toi, tu cherches et tu cours. Cherche et je cours. Jusqu'aux heures où personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. T'en passeras des nuits à regarder dehors. C'est écrit. Elle danse derrière les brouillards. Toi, tu cherches et tu cours. Mais y'a pas d'amour sans histoire. Tu rêves. Je rêve. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle veut? Et ses ombres qu'elle te dessine autour des yeux. Mais qu'est-ce qu'elle rêve? Qui elle voit? Et ses cornes qu'elle t'enroule autour des bras. Qu'est-ce qu'elle rêve? Qu'est-ce qu'elle rêve? Soupirs ses dentelles. Car bien y réfléchir, elle n'est plus vraiment belle. Belle. Et t'es déjà passé par des moments plus forts. Depuis. Depuis je compte les jours. Je compte les jours.

malgré ses grands yeux noirs, qui vous ensorcelle. La demoiselle serait-elle encore pucelle quand ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être fidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Aux fleurs de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. Lissez mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Estàs escoltant Olala Música amb les cançons en francès de Les Enfoirés, que ens porten peces com aquelles que havíem escoltat des del començament del programa, amb les paraules de Charles Aznavour i amb Le Memoir, però també amb els Llacs de Connemara, amb la versió de Patricia Cass, Patrick Fiori i Garou, la versió original era de Michel Sardou. També hem escoltat la que ens portaven amb el C-Cree, està escrit, Helen Segarra i Pascal Obispo, la cançó original de Francis Cabrel, i així anar cantant diferents cançons com Le Sud, també una de les grans cançons que Angun, Alain Souchon i Maxime Le Forestier ens portaven, original de Nino Ferrer, o també aquests dos grans clàssics, La Bohème en primer terme i després Belle, La Bohème amb Muriel Robin i Charles Aznavour, la cançó original d'aquest darrer, La Belle amb Sergi Lama, amb David Halliday i Patrick Bruel, la cançó original de Patrick Fiori, de Garou i Daniel. I anar escoltant, perquè d'això es tractarà, és el programa d'avui d'Olala Música. Així escoltem les nostres cançons i més que encara n'han de venir amb el programa del dia d'avui, el nostre espai de música en francesa amb aquesta emissora. Esteu escoltant Olala Music amb Rafael Corbí. Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul dans mon lit, dans mes draps froissés, c'est l'insomnie, le sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est même Kleenex, c'est bouteille vide, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Fais le verre en tombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Sur les montées, sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai mis la radio. Avec Tant qu'à ça. Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je puce la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir. Une blonde platine, sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je dis ça me tente. Vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, y'avait toujours le même air à la radio. Que de pression dans les bars. C'est Mani. C'est la décalcomanie. 7h du mat, oh, l'hôtel. Je paye, j'abrège. Je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banillons qui filent sur les dragons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chéri. Lui qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau glisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause et je pense à autre chose. Ses yeux miroirs renvoient mon regard. Ses anges pressés dans le bleu cassé. Me dit c'est l'heure, j'en dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Vraiment pas, non? Chacun fait, ce qui lui plaît, plaît, plaît. Et sous mes pieds, y'a la terre. Sous mes pieds, y'a l'enfer. Chacun fait, ce qui lui plaît, plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouer. Tant pis pour toi, faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cachots et de taxis. Les chats qui se tapent leurs petits ronrons. Les éminences, les petits bateaux. Bord de la chapelle, je me sens pas belle. Mes bigoudis sont plus en prix. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo fait un peu peur. La lampine vit à des envies. Ce papa fait du tracas. Dans les logis des malredis, bébé finit sa bouillie. 8h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur mon lit, dans mes draps bleus froissés. C'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées. J'en me sens rien. C'est une bouteille vide. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Tu es le seul double de moi.

directe i excel·lent música, no hi ha dubte. Seguim a través de la música que hem escoltat amb aquests darrers minuts, peces realment exquisides del món de la música que ens han acompanyat, com aquest Una dona amb tu, aquesta cançó que acabem d'escoltant, que és una peça de Liam Foley, Morgan i Barry Constanson, que Nicole Croisier l'havia interpretat amb el seu moment, però també abans el Digui-li que t'estimo o que l'estimo, o que jo l'estimo, Vanessa Paradis i Etienne Dao, en la cançó de la Vanessa, precisament, que era l'original, o això que vam fer Cruplé, era una cançó de Changing the Mood amb Karen Mulder, Mark Lapointe i Richard Berry, interpretant-la tots junts aquí amb els Enfoguers, que avui estem repassant, disfrutant, gaudint entre nosaltres amb aquest programa especial que us portem des del seu disc Dernière Edition, l'última edició abans de l'any 2000. Les Enfoguers ens van portar aquest disc excepcional que encara té més cançons per oferir-nos i que encara ens arribarà fins al final amb els 14 minuts, 13-14 minuts que ens queden, com tot un clàssic, perquè qui no recorda precisament aquest que escoltarem ara, aquest En Maintenant, una cançó de Gilbert Bacó que Patricia Cass i Roc Veusin interpreten a la perfecció ara mateix. En Maintenant, que vais-je faire? Et tout ce temps, que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que tu es parti, toutes ces nuits. Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, et la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues futures. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières au matin. Je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Hola la Music amb Rafael Corbí. يديلك مالي وحياتي يديلك عمري ما نسمح فيك أقبل ما تخمي ولا تقولي الوقت راه صعيب ما عندي ما ندير يا Ma ma ma ma la. Doncs acomiadem el programa d'aquesta setmana, l'hem dedicat, i d'aquí unes quantes edicions hi tornarem amb aquest disc de L'Enfoir, que es deia última edició abans de l'any 2000, en directe, amb diferents artistes. Aquestes darreres cançons que hem anat escoltant, com aquest tema que ens aportava Coupe de Folie amb Flip Winter, Jacques-Anne Goldman, el Donner pour Donner de Michel Larocque, Natif i Khaled, amb peces originals d'altres artistes com Franz Gall i Elton John o Thierry Pastor, entre elles, però també amb d'altres com aquesta amb la qual ens acomiadem, a la Didier Gasta i a Lindsay Sean, que ens portaven una cançó també preciosa original de François Hardy, a qui van dedicar part del nostre anterior programa. Ens escoltem i ens emplacem a la setmana que ve per tornar a estar de nou aquí al vostre costat a Olala Music. Gràcies i fins la propera. Et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir, les larmes aux yeux. Mes amis me demandent pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y perdais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur. À l'insouciance qui les faisait rire, et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé et me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais. D'elle et de mes amis, plus une trace. D'autres gens, d'autres maisons ont volé leur place. Là où vivaient les arbres, maintenant la ville est là. Et la maison où était la maison où j'ai grandi. Je ne sais. La maison où j'ai grandi. Où est ma maison? Où est ma maison?